بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم تفهم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في الدرس السابق dans le cours précédent, فأخذنا بعض الفضائل on a pris certaines des œuvres méritoires relatives au zikr. Et au préalable, on a évoqué le bienfait qu'il y a dans le fait de se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas avec les œuvres méritoires. Et qu'il y a à travers cela un khair et un bien pour le mu'min. Il reconnaît la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il reconnaît la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la générosité d'Allah jalla wa ala. Yafrahu bi dhalika, il se réjouit d'avoir un Seigneur qui est généreux, qui est bon. Ça lui rajoute la mahabba pour Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika du shukr lillahi azza wa jalla. Et ça lui permet d'avoir du sabbat qui soit ferme dans son dîn et de ne pas se laisser aller par la vie d'ici-bas ou par les fausses promesses que Shaitan il sait quel est le bienfait dans lequel il est, donc il s'y cramponne. Ça c'est le but de connaître al-fada'il, de connaître les œuvres qui sont méritoires, car ça permet à l'insan de pouvoir se cramponner et s'accrocher aux œuvres et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses œuvres qu'il aime et qu'il agrée. On a évoqué dans le bas c'est sabiq qu'allah subhanahu wa ta'ala والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Parmi les bienfaits du al-dhikr, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala réserve à ceux qui mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala et celles qui mentionnent Allah azza wa jal énormément, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur réserver un ajr qui est azim. قال بعضهم c'est le jannah. بعضهم ils ont dit c'est le fait الرؤية إلى وجه الله subhanahu wa ta'ala, regarde Allah subhanahu wa ta'ala, la shak, c'est le plus grand des bienfaits. لكن ça englobe tous les rétributs, les récompenses dans la vie d'ici-ba et kadhalika dans l'au-delà. Donc ça nous montre la faveur et le bienfait qu'il y a dans le dhikr. Et kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve une protection contre le mal de leur péché. Al-maghfira, c'est bien de la traduire par ces termes-là, comme l'ont évoqué les ulama. Cheikh al-Islam, rahimahullah, il évoque que ceux qui disent que al-maghfira, c'est le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne te dévoile pas. Il dit ceci, yani c'est expliquer une partie de la maghfira, laquine c'est un sens qui est beaucoup plus large. C'est qu'Allah Azza wa Jal te protège du mal de tes péchés, ça c'est al-maghfira. La maghfira c'est soit Allah Azza wa Jal te diminue la sentence que tu devais recevoir par rapport à un péché, ou bien carrément il ne te châtie pas et il ne te dévoile pas. Ça comporte ces choses-là. Naam. On va évoquer une parole de Cheikh al-Islam, alayhi rahmatullah, qui est importante. Qala Cheikh al-Islam, rahmatullah, pour des personnes qui ont dit que al-maghfira, c'est le simple fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne dévoile pas le abd. Ne dévoile pas le abd. Naham. Fa, qala rahmatullah, qala ba'da qala fa inna al-maghfira ma'naha wiqayatu shar al-dhanb haythu la yu'aqab ala al-dhanb. فَمَنْ غُفِرَ ذَنْبُهُ لَمْ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ. Et il nous dit, rahimahullah, que la maghfira, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège du mal de ton péché. Et ceci passe par le fait que, na'am, il te pardonne, c'est-à-dire qu'il ne te châtie pas. قَالَ وَأَمَّا مُجَرَّدُ سِتْرِهِ فَقَدْ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ فِي الْبَاطِنِ. Et là, il répond aux personnes qui ont dit que la maghfira, c'est le simple fait qu'Allah azza wa jalla ne te dévoile pas. Il dit, une personne peut être couverte, Allah azza wa jalla ne la découvre pas, ne la dévoile pas, lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il va le châtier dans son intérieur. Iqab al-batin. Donc il dit, ça ne suffit pas de dire que al-maghfira, c'est le fait qu'Allah azza wa jalla ne dévoile pas cette personne-là. Car il peut ne pas le dévoiler, là qu'il le châtie, yani fil qalb, dans son intérieur. Yaftinuhu bin niyya. Il éprouve dans ses intentions, il éprouve dans son tawakkul, il éprouve dans les actes du cœur. Donc il faut ajouter dans la maghfira le fait qu'Allah Azza wa Jal ne le châtie pas. قَالَ وَمَنْ عُوقِبَ عَلَى الذَّنْبَ بَاطِنًا أَوْ ظَاهِرًا فَلَمْ يَغْفَرْ لَهُ. Et celui qui est châtié, Hein, que ce soit intérieurement ou bien extérieurement, il n'a pas été pardonné. Hein. Cette parole-là dans Majmu' al-Fatawa, le 10e Mujallad 318. Donc ça nous montre que Al-Maghfira, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège du mal de tes péchés, c'est-à-dire qu'il ne te dévoile pas, كذلك نعم il ne te châtie pas, ou qu'il te خفف, كذلك il a évoqué qu'il peut diminuer la sentence, نعم. Te châtier, lakin diminuer la sentence. Ça c'est la maghfira. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مَغْفِرَةً وَأَجَرًا عَظِيمًا. تَبْنُوَاسِلْ, on continue inshallah, on poursuit. قال رحمه الله تعالى et parmi les fada'il, les mérites dans le zikr, قال وقال سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont leur cœur s'apaise par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas que par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala les cœurs s'apaisent. Donc ça c'est un grand mérite. Celui qui cherche la tranquillité dans son cœur, l'apaisement dans son fort intérieur, ça passe par le dhikr. Ça passe par le dhikr, par le rappel. Par le rappel, les cœurs s'apaisent, comme a dit le subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh d'Islam, alayhi rahmatullah, yaqul, yadul, ou tilka l'aya tadul ala annaha la tatma'in, illa biha. Il nous dit, rahmatullah ta'ala, c'est évoqué dans son kitab al-Nubuwat, la page 78, il nous dit, rahmatullah ta'ala, que Allah Azza wa Jalla a évoqué que les cœurs ne peuvent s'apaiser que par le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Yadullu ala annaha et al-qulub la tatma'in illa biha, illa bi dhikrillah, subhanahu wa ta'ala. Car il y en a parfois, il y en a certains, ils se sentent mal, attristés ou bien il est en colère. Le premier réflexe qu'il va avoir, ça va être directement d'aller voir un psy. D'autres, ils vont aller faire du sport. D'autres, ils vont se distraire pour oublier. Ça se trouve, il y en a fait marciatillahi azza wa jal. D'autres vont faire ceci et cela pour extérioriser leur peine et leur colère. Chacun va accourir à des thérapies, des remèdes pour essayer de dissiper ce mal qu'il y a dans sa poitrine. Et ce sont des causes qui peuvent ou ne pas s'avérer être efficaces. Et ils oublient quoi ? Le véritable remède des poitrines et des cœurs. Ils oublient la véritable thérapie. Ils oublient le dhikr de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms, ses attributs, al-asma wa sifat al-husna, de lire kitab Allah subhanahu wa ta'ala, dont le prophète a qualifié comme rabi' al-qalb, le printemps des cœurs, wa dhahab al-huzn, celui qui dissipe la tristesse. Ils oublient de prendre l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala par la prière. Istaghinu bi sabr wa salat kama qala jalla wa ala. Parce qu'il y a à travers la prière un rappel, kama qala subhanahu wa ta'ala wa aqimi as-salata li dhikr, et accomplis la prière afin de te rappeler de moi, afin de me mentionner. فهذا c'est la thérapie, ça c'est les vrais remèdes. Tam. يتقرب الى الله عز وجل بالسجود اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Il se recueille dans sa prière, dans son sujoud, il demande à Allah عز وجل qui dissipe cette tristesse et ces colères qu'il y a dans son cœur, le mal-être qu'il y a dans son fort intérieur. فهذا هو الرمد. C'est ça le remède, c'est ça la thérapie pour nos cœurs. Qu'on revienne à Allah subhanahu wa ta'ala par le dhikr, que ce soit par la langue, que ce soit par la salawat, par le fait de lire le Coran. فهذا هو الذي الله عز وجل يغري البطن. فهذا هو الحقيقي رمد. لا يجب أن نتورن. قال سبحانه وتعالى ألا بالذكر الله تطمئن القلوب. قال الشيخ الإسلام يدل على أنها لا تطمئن إلا بها. ceci nous prouve que les cœurs ne peuvent être véritablement apaisés que par le rappel d'Allah سبحانه وتعالى. فهذا nous montre la faveur du rappel, le mérite du rappel. Ça apaise les cœurs, ça dissipe le mal-être qu'il y a dans les cœurs. Et il y en a beaucoup, énormément. Lakin, question qui se pose à Hawana. Quel est le dhikr à travers lequel nos cœurs s'apaisent? Quel est le dhikr à travers lequel nos cœurs se tranquillisent? Est-ce le cœur de celui qui mentionne Allah subhanahu wa ta'ala mais sans tête dans la désobéissance? Est-ce le cœur de celui qui emprunte des intermédiaires innovés pour mentionner Allah subhanahu wa ta'ala? Al-jawabula. لا هذا ولا هذا rien de tout ça. وإنما ينتفع بالذكر وطمأنينة, celui qui profite de la tranquillité des cœurs, de l'apaisement des cœurs, dans son intégralité, dans l'intégralité des vertus du dhikr, c'est le cœur du muwahhid as-sunni al-muti', c'est le cœur du muwahhid le sunni qui s'accompagne à la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et qui est obéissant. Ça, c'est celui qui, lorsqu'il va lire le Coran, il va profiter et ça va être un apaisement pour son cœur. Lorsqu'il va mentionner le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa langue, ça va être un apaisement pour son cœur. Lorsqu'il va se recueillir dans sa prière, kadhalika, ça va être un apaisement pour son cœur. C'est celui-là qui va profiter entièrement, intégralement du dhikr, et non pas une autre personne. Al-imam, al-alim al-faqih, al-abid, Saïd ibn Jubair, qui est mort en 95, min talamidh ibn Abbas, qui fait partie des élèves d'Ibn Abbas, et kadhalika d'autres parmi les sahaba, rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, il nous évoque une parole en or qui nous permet de comprendre qu'est-ce que le dhikr. Faqala rahmatullahi alayhi, et la parole elle est dans sa biographie du livre Tahdhib al-Kamal de al-Muzani. Il a un livre qui s'appelle Tahdhib al-Kamal, dans lequel il a évoqué les rapporteurs qui se trouvent dans les six recueils Bukhari wa Muslim et les quatre sunan. Fa il a évoqué hauna yani certaines de ces hikam, de ces moralités à prendre, qui sont très importantes. Et parmi celles-là, قال رحمه الله تعالى إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول خشيتك بينك وبين معصيتك. قال فتلك الخشية. Il nous dit رحمه الله تعالى la véritable crainte, c'est celle qui est un rempart entre toi et la désobéissance d'Allah سبحانه وتعالى. Telle est la véritable crainte. وقال رحمه الله قال والذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. Il nous dit رحمه الله, et c'est là que la parole est relative à notre cours. Il nous dit رحمه الله que le dhikr, c'est l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le véritable dhikr est l'obéissance. Celui qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala s'est acquitté du véritable dhikr. Il aura les vertus qui en découlent. Et celui qui désobéit à Allah azza wa jal ne s'est pas acquitté du dhikr. Même si jamais il dit, il multiplie le tasbih, il fait du dhikr, et il lit kathiran al-Qur'an, il multiplie la lecture du Qur'an. Et cette personne-là ne va pas profiter, ne sera pas yani, qualifié comme étant un véritable dhakir, une personne qui mentionne Allah azza wa jal. Enfin, celui qui mentionne Allah, celui qui se rappelle d'Allah, c'est celui qui le craint, c'est celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui lui désobéit, il peut faire beaucoup de dhikr, il peut lire beaucoup de Qur'an, ça sera très peu profitable ou bien pas du tout profitable pour cette personne-là. Enfin, le cœur qui s'apaise lorsque le rappel est fait, c'est le cœur de ceux qui sont muwahhid. Al-mushrik, il a pas cette vertu-là, il n'en profitera pas. Al-mubtadi' kadhalik. Et celui qui désobéit à Allah azza wa jal, min bab awla, il n'aura pas aussi. فَلَبُدَّ مِنْ هَذِي أَثْلَاثَ الْإِخْلَاصِ المتابعه والطاعه. Il faut que ce soit quelqu'un de pieux qui va profiter totalement de l'apaisement des cœurs, qui va lui permettre d'être stable dans sa religion, stable dans son istiqama. Son cœur sera apaisé, tranquillisé, pas perturbé par les awasawis et kadhalika min al-hayat ad-dunya. Qala rahimahullah. قال وقال تعالى فاذكروني أذكركم. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. وقال العلماء, ça c'est la plus grande des faveurs. الإمام السعدي رحمه الله تعالى, dans le tafsir de cette ayah là, il les évoque que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'évoque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne, il dit ceci est le plus grand des rétributs, et dans la vie d'ici-bas. Parce que ma'rouf, on sait que le plus grand des rétributs, c'est de voir Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, comme on a pu le citer dans le cours précédent. Le hadith est authentique, rapporté par l'imam muslim rahimahullah, par rapport à la ayah qu'il subhanahu wa ta'ala lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. Al-husna c'est le jannah, et al-ziyada c'est de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Fait, ce qui est voulu ici dans la parole de l'imam al-Sa'di, que ceci est le plus grand des rétributs, et qu'Allah azza wa jal te mentionne, et dans la vie d'ici-bas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne dans la vie d'ici-bas. Fait, Al-Ghaya, c'est qu'Allah Azza wa Jal, il t'évoque, et non pas que toi tu l'évoques. Al-Ghaya, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, et non pas que toi tu l'aimes. Al-Ghaya, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'agrée, et non pas que toi tu l'agrées. Al-Yahoud wa al-Nasara, ils ont prétendu l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a réfutés. Nahnu abna'u Allah wa ahibba'u. Ils ont prétendu que c'était les bien-aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Enfin, ils ont prétendu cela. Enfin, le plus grand des bienfaits, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala se rappelle de toi. Il t'évoque. Rappelle-toi d'Allah Azza wa Jal dans l'aisance, et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'oubliera ni dans l'aisance et ni dans la difficulté. Rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, que ce soit par la lecture du Coran, par la prière, dans l'obscurité des nuits, fi awakhir al-layali, là où la plupart des gens sont étourdis ou bien insouciants du rappel, dorment. Et Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahad al-ghaffar, al-malik al-jabbar, il va se rappeler de toi. Et ça, c'est un bienfait qui est azim jiddan. As-sahaba, certains des sahaba, radiyallahu anhum, ils pleuraient de joie au fait de savoir qu'Allah azza wa jalla les mentionnait. Muttafaqun alayhi 'inda al-Bukhari wa Muslim. Min hadith Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il est venu voir Ubay ibn Ka'b. Faqala, umirtu an aqra alayka surat al-bayyina, lam yakun al-lazina kafar. Faqala Ubay, asammani Allah, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a nommé? Yani, il veut dire par là, ou bien est-ce qu'Allah azza wa jalla t'a dit de lire le Coran sur un de tes compagnons et toi tu m'as choisi? Fait, il était étonné. Est-ce que Allah azza wa jalla, il a cité mon prénom, فقال نعم فبكى أبي. Il a pleuré. يعني فرحا بفضل الله عز وجل. قال بعضهم خشية. De peur. فهذا هو يعني le fruit de qu'Allah عز وجل il t'évoque, ça doit nous toucher énormément. فالسلي qui évoque Allah عز وجل, Allah سبحانه وتعالى l'évoque. Il faut qu'à chaque fois qu'on se rappelle d'Allah, à chaque fois qu'on évoque, à chaque fois qu'on lit le Coran, il faut qu'on se dise Allah Azza wa Jal est en train de nous mentionner. Ça va nous rajouter du khushu', de la concentration et de l'attention dans nos ibadat. Et on va les faire comme nous l'a recommandé le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, bi-ihsan. Si jamais on fait l'effort et on demande à Allah à tawfiq, lana wa lakum, on va se rappeler, lorsqu'on va faire nos ibadat, on va les faire de la meilleure des manières. Comme si jamais on voyait Allah, ou bien comme si on n'oublie pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous regarder. Que ça, c'est important. Tathkuruni athkurkum. Évoquez-moi, mentionnez-moi et moi aussi je vais vous mentionner et vous évoquer. Et le rappel d'Allah et la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grande. Est beaucoup plus grande. Qala Cheikh al-Islam rahimahullah, Majmou' al-Fatawa, le volume 13, la page 134, il nous dit rahimahullah ta'ala que cette faveur, cette grande vertu qui est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te mentionne, qala, elle est réservée à ceux qui le mentionnent et lui obéissent, comme on a pu voir à travers la parole de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah. Il dit cette faveur-là, elle est réservée à qui? À ceux qui le mentionnent et lui obéissent. Et il a dit non à ceux qui le mentionnent et le désobéissent. Car ces personnes-là, Allah Azza wa Jal a dit, nasi Allah fa nasiyahum. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal et Allah les a oubliés. Wa qala jalla wa ala falyawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha. En ce jour, nous allons vous oublier comme vous avez oublié le jour de la rencontre. Enfin, celui qui désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si jamais il oubliait. Il oublie qu'Allah azza wa jalla le voit. Il oublie qu'Allah azza wa jalla va le ressusciter. Il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le questionner sur ses péchés. Qu'Allah azza wa jalla va le juger. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un châtiment qui est le feu, l'enfer. Il oublie ces choses-là. Celui qui désobéit Allah Azza wa Jalla, il fait beaucoup de tasbih, fait le haqiqa, il oublie Allah, c'est pas un dhakir. C'est un nasi, il oublie. Al-dhikr, ayya l'ikhwa, wa l'akhawat, c'est le fait de mentionner Allah tout en observant la piété. En observant la piété et la khashya. On l'évoque, on a peur. Lorsqu'on, le nom d'Allah, il est mentionné, wajilat qulubuhum. Innama al-mu'minuna al-ladhina idha dhukar Allah, wajilat qulubuhum. Leur cœur est pris d'effroi. Ils ont peur. Parce que Allah sait celui qui est châtié de l'Aqab. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُدِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Leur cœur, il est, lorsqu'ils mentionnent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre le khouf et le raja, entre la peur et l'espérance. Parce que le nom d'Allah Azza wa Jal inspire à la peur, parce que Allah Azza wa Jal est châtié de l'Aqab pour celui qui désobéisse, et il inspire à l'espérance. Enfin, ça doit être l'état de nos cœurs lorsqu'on se rappelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم. قال رحمه الله تعالى قال ولذكر الله أكبر. قال الله تعالى ولذكر الله أكبر. Parmi les grandes faveurs du dhikr, Allah عز وجل évoque le dhikr. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Al-ulama, comme c'est le cas de l'imam Ibn Jawzi رحمه الله تعالى dans le tafsir, qui est un tafsir qui est jayyid, qui est très bien, qui se limite à évoquer les différentes tafsirs et différentes paroles qui ont été évoquées à chaque verset. Si jamais tu veux savoir combien de paroles de tafsir sont évoquées dans une ayah, je te recommande deux kitabs. Le kitab de Al-Mawardi, rahimahullah, qui est avant l'imam Ibn Jawzi, et l'imam Ibn Jawzi, kazalika, dont son tafsir. Il a un nom, lakin j'ai oublié le nom du livre en lui-même, lakin c'est ma'rouf de tafsir Ibn Jawzi. Et kazalika, Mawardi, lakin je pense qu'il est moins en circulation et dans les makatib que celui de Ibn Jawzi. Ibn Jawzi est venu après, donc il a dû profiter de celui qui était avant lui. Enfin, ce kitab-là, c'est un kitab qui est nafirjit. Ça te permet de connaître combien de paroles, combien de tafasir ont été évoquées à cette ayah-là. Est-ce que les ulama sont tous unanimes est-ce qu'ils se sont accordés à un sens ou bien est-ce qu'ils ont divergé? Enfin, ça, c'est le kitab vers lequel on revient dans le tafsir. Enfin, il nous évoque, rahimahullah ta'ala, que dans ce tafsir-là de la ayah, wala dhikrullahi akbar, que les ulama ont évoqué quatre paroles. Al-Mawardi, rahimahullah, il en a évoqué sept. Fil haqiqa, ça rentre dans les paroles qu'il a évoquées, Ibn Jawzi. Enfin, ils ont évoqué quatre paroles. Ils ont dit, wala dhikrullahi akbar. Ils ont dit, l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous est plus grande que votre évocation d'Allah. Enfin, nous, on évoque Allah, on le mentionne. Et lorsqu'on mentionne Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne. Lakin, Allah, l'évocation d'Allah sur nous est beaucoup plus grande que notre évocation. Wala dhikrullahi akbar, min dhikrikum. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus grand et méritoire que votre rappel. Votre rappel est grand. Votre rappel est méritoire. Votre rappel est bon. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il est grand. Allah huwa al-akbar. Huwa al-a'la, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on le mentionne, c'est, vu que c'est relatif à Allah, ça prend de la hauteur. Ça prend de l'ampleur. Lakin Allah Azza wa Jal, huwa al-kabir. Fa idha dhakarana, c'est beaucoup plus grand. Hadha huwa. Ça, c'est un des tafsirs. Ce qui est évoqué, kadhalika, wala dhikrullahi akbar, et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est la plus grande des ibadah. L'évocation d'Allah Azza wa Jal est la plus grande des ibadah. Et wala dhikrullahi akbar min kull ibadat. Le rappel d'Allah Azza wa Jal est le plus grand des ibadat. Pourquoi? Parce qu'on la retrouve partout. Al-dhikr, mentionner Allah Azza wa Jal, tu le retrouves dans toute ibadat. Dans shahadatain, tu retrouves le nom d'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Il est évoqué aussi. Dans salat, directement Allahu akbar. أدعية كثيرا سبح اسم ربك الأعلى تم اسم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم إلي بوكي دون لبخية كذلك دون صيام لسكن مانج بسم الله لسكن رم بسم الله لسكن رسازي بسم الله لسكن صار بسم الله تم لسكن رمخ بسم الله نبوك لنوم الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل إلي بوكي دون كل عبادات لذلك كان ذكره هو الأكبر المنصني الله عز وجل سي لابدقون دي عبادات نعم سيد جم تفسير. Troisième tafsir, il est dit « Wala dhikrullahi akbar » et la prière, parce que juste avant c'est « Wa aqimis salat »« Inna salata tanha anil fahsha wal munkar »« Wala dhikrullahi akbar » et accomplis la prière, car la prière empêche la turpitude et le blâmable. Et le rappel d'Allah est beaucoup plus grand. Et certains ont dit « La prière empêche la turpitude et le blâmable. » Et ceci c'est un profit, c'est une manfa'a pour l'abd. Mais il dit, enfin certains ont dit, mais le profit résidant dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en prière a sur vous des avantages beaucoup plus grands. Enfin, la prière, ça a un avantage sur nous, ça nous permet, bidnallah azza wa jal, de se voir épargner, de tomber dans la turpitude et dans le blâmable. Lakin, le rappel d'Allah dans la prière est un bienfait et un profit qui est sur nous et dans nos cœurs beaucoup plus grand. Qui est beaucoup plus grand. Et certains ont évoqué wala dhikrullahi akbar, la quatrième tafsir, et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala en prière est la plus grande évocation. Comme on a pu voir, on évoque dans toutes les choses. Dans les ibadat, la plus grande des ibadat qui est salah, يعني من الأعمال الجوارح كي صلاة et bien apprendre l'ampleur, ou plutôt le dhikr, et prendre l'ampleur lorsqu'il est évoqué dans la prière. Enfin, ça, ça nous montre qu'à dans les cas, le mérite et la faveur qu'il y a dans le dhikr. Enfin, ça, c'est l'ayat qu'il a évoqué, rahimahullah. Et les ayats, ils sont katira. La kim, ça, c'est mimbab al-ikhtisar. Mimbab al-ikhtisar. C'est un résumé, comme il a dit. Qala rahimahullah ta'ala, qala fil hadith al-qudsi. Le hadith al-qudsi, il faut savoir que c'est le hadith que Allah Azzawajal a révélé sur le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme il a révélé le Coran. Sauf que ça, c'est un hadith, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont différencier par rapport à la lecture du Coran. Enfin, le hadith al-Qudsi, on ne se palmodie pas, contrairement au Coran. Le hadith al-Qudsi, il peut être sahih, il peut être daif, contrairement au Coran. Ils ont évoqué des choses. Lakin bil hujja, dans l'argumentation, c'est comme le Coran. C'est la même chose, à partir du moment qu'il est authentifié. Et le hadith al-Qudsi, il faut savoir, c'est celui dont les termes et le sens viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains, ils ont évoqué que le hadith al-Qudsi, le sens vient d'Allah, et les termes, c'est du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azzawajal n'a pas prononcé ce hadith-là, qui sont dits et qualifiés de Qudsi. Ça, c'est une définition qui est fausse. Al-Imam Muhammad Ibn al-Jami, rahimahullah ta'ala, il a dit que ceux qui définissent le hadith al-Qudsi comme étant celui qui, dont le sens émane d'Allah Azzawajal et dont les termes émanent du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ces personnes-là ne sont pas sorties de la aqidah des Asha'ira, qui disent que le Coran, Allah Azzawajal ne l'a pas prononcé. C'est le prophète qui a, ou Jibril qui a prononcé cela. Ça, c'est la même parole que l'Asha'ira. Fait le hadith al-Qudsi, c'est celui dont Allah Azzawajal a prononcé. Le sens et les termes viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fil hadith al-Qudsi, yaqul Allah ta'ala, ana inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الحديث il est authentifié par Bukhari et Muslim. Dans ce hadith là, Allah Azza wa Jal dit: je suis avec ce que pense mon serviteur de moi, et je suis avec lui lorsqu'il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et discrètement. Si jamais il me mentionne discrètement, qu'à dans les cas, je ferai discrètement. S'il me mentionne en public, je le mentionne à meilleur que. Et fil mala'in a'la, dans la meilleure des assemblées. Et le mufassir, comme l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a évoqué que l'assemblée qui est évoquée là, c'est al-mala'ika na'am. Fa hadha al-hadith, al-Qudsi, Allah Azza wa Jal nous évoque la grande faveur qu'il y a dans le rappel. فقال سبحانه وتعالى أنا معه إذا ذكرني. Et ça, c'est le mérite. Et je suis avec lui lorsque il se rappelle de moi. فمعية الله عز وجل. Avant tout, il faut savoir que تنقسم القسمين. Le fait de dire qu'Allah est avec nous, ça a deux sens. Le premier sens qui est général, c'est-à-dire qu'il est avec nous et avec sa science, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qui échappe à Allah سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء. Rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux, dans la terre. Il est au courant de tout. Et la ma'iyya al-khassa, qui est quoi? Al-nasr, al-tawfiq, al-sadad, tam. Il y a deux sens. Al-Sheikh Islam rahimahullah ta'ala, il a évoqué dans son livre Talbis al-Jahmiyya, le volume 2, la page 38, il a évoqué d'un alim qui fait partie des ulama de Ibn Abdul Bar rahimahullah et kadhalika de Ibn Hazm. J'ai oublié le nom, je crois que c'est Talam Naki. Al-Muhim, ce alim nous évoque que les ulama sont tous unanimes. قال أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم. Et les musulmans, parmi les gens de la sunna, s'accordent tous à dire que le sens qui est voulu dans la parole d'Allah est Azza wa Jal, et il est avec vous où que vous soyez. قال ونحو ذلك من القرآن. Et d'autres ayats dans le même sens. أن ذلك علمه. Le sens de la ma'iyya, de le avec, c'est que Allah Azza wa Jal est avec nous par sa science. قال وأن الله عز وجل فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء. Tout en étant سبحانه وتعالى au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Il est avec nous بعلمه, par sa science, tout en étant au-dessus des cieux et au-dessus de son trône. Ça, c'est la ma'iyya qui est quoi? Qui est amma et touche tout le monde. Al-Muslim kal kafir. Allah Azza wa Jal sait ce que fait le mu'min, sait ce que fait le kafir. لا يخفى عليه شيء. في الأرض ولا في السماء قال وهو معكم أينما كنتم كنتم ها هنا ça englobe le kuffar et كذلك les musulmans. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala parmi nos activités, parmi nos actions, parmi nos gestes, parmi nos paroles. Et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala et parmi hatta nos intentions. Et rien n'échappe à Allah azza wa jal. Et la deuxième ma'iyya, قال الشيخ العثيمين رحمه الله dans son charh de Wasitiya, le premier volume, la page 401, قال رحمه الله قال المعيا درجات. Il nous évoque رحمه الله que la ma'iyya a des degrés. قال عامة مطلقة qui est général. قال وخاصة مقيدة بوصف وخاصة مقيدة بشخص. Et on a une qui est restreinte soit à un qualificatif, à une sifa, ou soit une qui est restreinte à des individus. Il dit la ma'iyya se divise en deux. Une qui est amma mutlaqa, qui est, comme on a pu voir la science, le fait qu'il soit avec nous par la science. Et la deuxième, il dit qu'elle est restreinte à un groupe de personnes ou bien à un individu. فقال هو رحمه الله قال فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص. Et la plus restreinte des ma'iyya, de le avec, c'est celle qui est restreinte à un individu. Comme il est évoqué dans ce hadith-là. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. Et je suis avec lui. Là, il a évoqué un individu, celui qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك قال subhanahu wa ta'ala لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Lorsque Abu Bakr dit, si jamais un d'eux venait à regarder en dessous de ses pieds, ils vont nous voir lorsqu'ils s'étaient réfugiés dans la grotte. Et il a dit, Allah Azza wa Jal, ou plutôt Allah Azza wa Jal nous raconte ce qu'a dit le prophète alayhi wa sallam, la tahzan, ne t'inquiète pas, inna allaha ma'ana. Donc là, une ma'iyya qui est avec quoi? Les individus, ma'ana, et avec le prophète, et avec Abu Bakr. Et la ma'iyya qui est restreinte à un qualificatif, comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna allaha ma'an ladhina attaqaw. Et Allah est avec les pieux. Donc là, c'est un wasf. C'est un qualificatif. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. Et ceux qui sont bienfaisants. Donc la ma'iyya se divise en deux. Une qui est amma, qui englobe toute la création. Et une qui est khassa et qui est pour les mu'mines. Qui est khassa, qui est restreinte aux mu'mines. Soit Allah l'évoque pour ceux qui veulent rentrer dans un critère, comme la piété, comme al-ihsan. Ou soit il va l'évoquer pour un individu. Et il dit, rahimahullah, Cheikh al-Uthaymin, قال فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص. Et la plus restreinte et la plus méritoire des ma'iyya, c'est celle qui restreint l'individu. Enfin, ce qui est évoqué dans le hadith, c'est la ma'iyya qui est la plus méritoire. Celle qui est restreinte à un individu. وَأَنَا مَعَهُ. Je suis avec lui. بِالتَوْفِيق, بِالسَّدَاد, بِالحِفْ. Dans ce hadith-là, il est évoqué le plus haut degré de la ma'iyya. La plus haute faveur de la ma'iyya dans ce hadith-là. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي. Et il dit, rahimahullah, bon, ensuite il va évoquer certaines des riwayas. قال وفي الرواية أنا معه حين يذكرني وأنا معه حيث يذكرني وأنا معه إذا دعاني. Je suis avec lui lorsqu'il m'évoque. Je suis avec lui quel soit l'endroit où il m'évoque. La qui ne sait pas dans tous endroits. On ne voit pas Allah Azza wa Jal dans les toilettes et ceci. قال وأنا معه إذا دعاني. Et ce hadith-là c'est un rad aux sophia qui disent qu'Allah il est fi kulli makan. Allahu ala al-arsh istawa. Les personnes qui disent cette parole-là, ils sont beaucoup plus ignorants que l'esclave dont le prophète alayhi wa sallam a demandé à un des sahabis d'affranchir. Lorsqu'il avait frappé, et il a dit, pour l'affranchir, il y a une kafar. Yani. Pour le mal que tu as fait, il y a une kafar. Expiation. Laquelle avant cela, Nabi Sam, il lui a posé des questions. Il a dit, qui suis-je? Elle a dit, tu es le prophète. Et il lui a dit, où est Allah? Elle a dit, il est fils sama. Il est dans les cieux. Allah, il est dans les cieux. On ne dit pas, il est partout, excepté si jamais on veut dire par rapport à la science. Il est avec nous par rapport à sa science. Lakin, Allahu ma'ana, yani fi kulli makan bi dhatihi, par sa, yani par son nafs, par sa personne, fahada la yajuz. Hada al-qawl la yajuz. Hada la yajuz. Ça, c'est pas du ta'zim. Allah Azza wa Jal fi sama, ala al-arsh. Il est au-dessus du trône. Et malgré cela, il est proche de nous. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses. Certains vont dire comment il peut être au-dessus des cieux et proche. Allah il est capable de toutes choses. Faut pas. L'islam c'est on dit le muslim qui veut dire le soumis. On se soumet comme se soumet Ibrahim. Lorsqu'il lui a dit Allah Azza wa Jal d'égorger son fils, il s'est pas posé 36 000 questions. Il s'est exécuté sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal tout ce qu'il ordonne c'est un bien pour nous. Et toutes les choses dont Allah Azza wa Jal interdit c'est un bien pour nous. Bien pire que cela, son fils Ismaïl, il a dit, fais ce qu'Allah t'a demandé. Ya abati fal ma tu'mar. Satajiduni inshallah min as-sabri. Son fils كذلك il est à la sabat. Ils ne sont pas posés de questions. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jal, yani c'est Al-Hakim. On ne se pose pas des questions, on est soumis. On doit être soumis au texte du Kitab et la Sunna. Ma kana al-mu'min wa ma kana al-mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiratu min amri. Tamqa rahimahu Allah ta'ala, كذلك من الأدلة qui nous montre la faveur du dhikr. قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث rapporté par Abu Darda رضي الله عنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى الحديث اللي rapporté par Tirmidhi عليه رحمة الله. Et à la fin de ce hadith là, في آخره كما il a évoqué dans الحاشية, قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. Donc ce hadith عظيم جدا rapporté par Tirmidhi وغيره et authentifié par Cheikh Mokbel et كذلك Cheikh Al-Albani رحمة الله عليهما. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: vous ai-je informé de vos meilleures actions? Et ça, c'est un usloub, une manière de faire que le prophète, alayhi wa sallam, l'observait souvent. Il avait un usloub qui s'appelle tashwiqi. C'est-à-dire qu'il présentait les choses d'une manière à ce que on redouble d'attention à ce qu'il va dire. Et kazalika, il présentait les choses qui laissaient dans le cœur un désir profond de savoir ce qu'il en suit. Ils appellent ça dans la langue arabe, al-arab, présenter les choses de la meilleure manière afin que tu redoubles d'attention et que ça provoque dans ton cœur un désir, tu souhaites savoir. C'est un peu différent de dire directement que zikrullah, c'est la meilleure des œuvres. C'est une manière de rapporter les choses. Lakin, c'est mieux et ça provoque mieux le désir et l'attention et le fait de savoir qu'est-ce qu'il en suit. De ramener ce genre de uslub, ce genre de présentation qui s'appelle al-ard, al-tashwiqi. Celui qui provoque un désir profond de savoir quelle est la suite. Ala unabbi'ukum. Les Arabes, lorsqu'ils évoquaient cela, directement les yeux, ils se focalisaient vers la personne qui parlait et les oreilles étaient très attentives. Qal ala unabbi'ukum. Et huqqa qui fait ça. C'était plus un homme qui fasse cela pour qu'il voit, il y en ait le degré du zikr. Vous ai-je informé de vos meilleures actions pour que ça montre la grande faveur. Les plus purs et bénites auprès d'Allah et Azza wa Jal, plutôt auprès de votre souverain Al-Malik. Azka, ça englobe le sens de la pureté et ça englobe le sens de la bénédiction. Al-Baraka Az-Ziyada, le rajout, ça rajoute. Wa arfa'iha fi darajatikum, celles qui vous élèvent le plus haut en degré. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, et celles qui sont meilleures pour vous que dépenser l'or et l'argent. وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ, et bien meilleur que vous rencontrez votre ennemi, que vous frappiez leur nuque et que eux, كَذَلِكَ, ils vous frappent la nuque à leur tour. Et que الشَّهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ils dirent oui, bien sûr, أكيد. Bala, au contraire, on dit, يَا رَسُولَ اللَّهِ, il a dit le rappel d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith-là, il évoquait beaucoup de mérites. Le premier des mérites, c'est que le mu'min, même si jamais il est faqir, il est riche. Al-dhikr, c'est ta richesse, ya Abdallah, wa ya Amatallah. C'est beaucoup plus grand auprès d'Allah, ya Azza wa Jal, que la dépense de l'or et de l'argent. Et Al-Rasul, lorsqu'il dit une chose, c'est pas de la métaphore, hein, c'est que c'est vraiment auprès d'Allah, ya Azza wa Jal, beaucoup plus grand. Wa la dhikrullahi akbar, kama qala. Comme a dit subhanahu wa ta'ala. Fa, il y a personne qui est pauvre. Le mu'min, il est riche. Il a de quoi s'enrichir. La kinyam al-qiyam. Parce que la véritable vie, c'est pas dans la vie d'ici-bas. Ça fait l'akhira. Wa inna al-akhirata la hiya al-hayawan. Et la vie de l'au-delà, c'est la véritable vie. Dans laquelle qui perdure, qui est éternelle. Fa, insan, il a de quoi s'enrichir. Tu as des billets dans ta langue. Qui sont al-dhikr. Qala wa khayrun lakum. Que la shahada fi sabilillah. Certains des ulama ashkala alayhim al-hadith. Ils se sont dit comment ceci peut être possible alors qu'il y a des grandes faveurs dans le jihad fi sabilillah. Allah leur a promis le Jannah et qu'ils ont des darajas élevés et qu'ils ne sont pas morts. وَلَا تَقُولَنَّ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَا. Et ne dites pas de ceux qui sont morts, fisabilillah, dans le sentier d'Allah et Azzal, qui sont morts. Mais ils sont vivants auprès d'Allah. Ils vivent et leurs œuvres continuent de fructifier. Enfin, ça, c'est un grand fadl. Al-jihadu fisabilillah, fa, ba'd al-ulama ashkalu alayhim. Ça leur a posé problème, l'interprétation de ce hadith-là. Et certains ont dit, ce qui est voulu par le dhikr, par le rappel d'Allah et Azzawajal, et c'est celui qui est fait par le cœur. C'est-à-dire l'action du rappel d'Allah et Azzawajal par le cœur est beaucoup plus grande que tout ce qui a été cité. Pourquoi? Parce que toutes ces œuvres sont basées sur l'intention. Innamal a'mal bin niyat. Et c'est pour ça qu'il a dit, c'est le plus grand. C'est plus grand que ces choses-là. Comme a dit بعض السلف. قالوا فعل القلب الذي هو اشق من عمل الجوارح بل هو الجهاد في بل هو الجهاد الاكبر. Parce que c'est le plus grand du jihad. Le plus grand du jihad, c'est que ta niyya soit pour Allah. Pour ça que certains salaf disaient, je n'ai pas connu une chose qui est beaucoup plus dure à gérer que la niyya. Parce qu'elle peut se retourner à tout moment contre moi. Innamal a'mal bin niyyat. Wa an-nabi sallam a dit à ceux qui ont combattu les kuffars, qui ont cassé des épées fi sabilillah, ils ont prié vers le prophète, ils ont rapporté la hadith à sahaba al-kiram. Les sahaba. Les nobles sahaba. Fa an-nabi sallam a dit akhwafu ma akhafu alaykum ar-riya. Ce que je crains le plus pour vous, c'est l'ostentation. Enfin, c'est le plus grand du djihad. Le djihad al-akbar, c'est la niyya. Comme a dit le salaf, « L'anna hiya tanqarib alayka fi ayya lahza » se retourne contre toi à n'importe quel moment et c'est, comme le dit le prophète a.s. « Fi kulli l'a'mal, innama l'a'mal bin niyya » Chaque œuvre, elle a besoin qu'on fasse attention pour qui elle est. On l'a voué pour qui cette œuvre-là. Enfin, lorsqu'il a dit que le dhikr, c'est le plus grand, et le dhikr qui émane des cœurs, qui est l'intention, est plus grand. Car toutes ces ibadat-là sont basées et émanent de la niyya. Ça, c'est une interprétation qui est forte. Et certains ont dit, comme Al-Iz ibn Abi Salam, que... Non, on laisse passer l'adhan, Inch'Allah, et on reprend. Allah, Allah. بسم الله الرحمن الرحيم فالعلماء ont évoqué que le dhikr qui est beaucoup plus grand que ces œuvres qui ont été évoquées dans ce hadith là, c'est le dhikr et le rappel qui émane des cœurs, c'est-à-dire les intentions, car toutes les intentions, toutes les œuvres sont basées sur les intentions, elles sont basées sur les intentions, et c'est le véritable jihad, le véritable combat que on a envers nos propres personnes, envers nos propres nafs, envers nos propres cœurs. On se doit de gérer cette attention afin qu'elle ne soit pas pour autre qu'Allah et Azza wa Jal. Et certains ont évoqué que ce qu'ils voulaient ici, Bala ya Rasulullah faqala dhikrullah, ils ont évoqué que ce qu'ils voulaient ici, yani, comme a dit Ibn Abdul'Iz, rahmahullah, yadul ala anna thawab la yatarattab ala qadri al-nasab fi jami' al-ibadat, que le rétribut, la récompense, elle n'est pas en fonction de la fatigue que la personne va observer dans la ibadat. قال بل قد يأجر الله عز وجل على قليل الأعمال. Et Allah عز وجل peut récompenser énormément dans une œuvre dans laquelle il y a peu de fatigue. Donc certains ont évoqué que c'est pour attirer l'attention sur le fait que la ibadat elle prend de l'ampleur auprès d'Allah عز وجل pas par la fatigue qui sera observée, mais par rapport à la manière dont elle sera acquittée, par rapport à la manière dans laquelle elle sera acquittée, à travers laquelle elle sera acquittée. Et on peut prendre comme argument la parole des salafs lorsqu'ils invoquaient le cas de Abu Bakr radhiyallahu anhu et celui de Umar ibn Khattab ou autres parmi les sahaba. فَقَالُوا مَا فُضِّلَ أَبُو بَكْرَ بِكَثْرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ وَلَا الصِّيَامِ وَلَا الزَّكَاءِ, que Abu Bakr n'a pas été valorisé ou plus valorisé par rapport aux autres sahaba par la multitude de prières, la multitude de zakat, la multitude de ibadat. قالوا ولكن شيء وقر في قلبه. ولكن شيء وقر في قلبه. Et c'est l'intention. Il dit لكن, c'est par rapport au fait que il avait un ta'zim في قلبه, il avait un ta'zim et une niyat qui était grande pour Allah qui ont fait que ses œuvres sont devenues grandes. Et Allah il dit ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Il va vous éprouver afin qu'il apparaisse ceux qui sont meilleurs en œuvre. Il n'a pas dit ceux qui auront le plus d'œuvre. Ayyukum ahsanu amala wa ma qala ayyukum aktharu amala. Donc ça rejoint un peu ce qu'a évoqué Ibn Abil-Iz quand il a dit que ce qui est voulu dans le hadith, c'est d'attirer l'attention sur le fait que les œuvres, l'ampleur des œuvres est décuplée par rapport aux intentions, et non pas par rapport à la multitude et la fatigue. On va aussi finir le bab, inshallah. قال رحمه الله تعالى parmi les hadiths كذلك حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم عليه رحمة الله. J'ai pas traduit la parole de Mu'adh dans le hadith précédent. Mu'adh, lorsqu'il a entendu cela, il a dit ma shay'un anja, ma shay'un anja min azab Allah min dhikrillah. Mu'adh, il a dit, il n'y a pas de cause qui sauve du feu semblable au dhikrullah azza wa jal. Et le athar, il suit le hadith, il est authentifié. Donc ça nous montre la faveur du dhikr. Celui qui recherche un refuge contre le feu de l'enfer, ça passe par le rappel d'Allah azza wa jal. Et comme on a dit, le rappel, c'est quoi? C'est l'obéissance. La très belle parole de l'imam As-Sa'id ibn Jubair qui a dit al-dhikr huwa ta'atullah. Le rappel, c'est l'obéissance d'Allah. Celui qui a obéi à Allah azza wa jal s'est rappelé d'Allah, et celui qui a désobéi à Allah azza wa jal ne l'a pas rappelé, même si jamais il a lu beaucoup le Coran et il a fait beaucoup de dhikr, il a fait beaucoup de tasbih. C'est pas ça le dhikr. C'est pas le dhikr qui est sur la langue, laquelle le dhikr qui est dans le cœur et dans les al-jawarih, كذلك dans les membres. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الحديث إليه authentifié عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. المفردون ont devancé, il y en a d'autres personnes. Et ensuite ils ont dit وما المفردون, qui sont ces مفردون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ceux qui évoquent Allah, ceux et celles qui évoquent Allah كثيرا, qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Donc ça nous montre la faveur. Tu devances les autres parmi les œuvres qui te permettent d'être en avant, d'être mis en avant, al-dhikr, le fait de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-mufarridun qala ba'duhum, comme ça va être évoqué dans le hadith, celui qui évoque Allah et Azza wa Jal est semblable, et celui qui ne l'évoque pas est semblable à celui qui est mort et vivant. Donc ils ont appelé mufarridun parce que ces personnes-là sont les vivants. C'est comme si jamais il ne mourrait pas. C'est pour ça qu'il devance les autres, parce que celui qui ne meurt pas et qui fait beaucoup d'œuvres dans le khair, il sera meilleur que celui qui est mort avant et qui n'a pas fait autant d'œuvres que lui. Comme dans le hadith, khair al-nas man tala umruhu wa hasana amaluhu. Les meilleurs parmi vous sont ceux qui auront une longue vie et de bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il a évoqué ceux qui évoquent Allah azza wa jal kathiran comme mufarridun, parce que ces personnes-là sont qualifiées comme étant les personnes qui vivent, qui ne meurent pas. Et certains, ils ont dit, parce que yani isizal al-mufarridun, et ça vient de al-ifrad. Ifrad qui veut dire dans la langue arabe yani isolé. Donc là, ça voudrait dire que c'est sans la shadda. Sabaqa al-mufridun. C'est-à-dire ceux qui sont isolés, qui s'isolent des autres. C'est-à-dire qu'ils se consacrent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils évoquent Allah azza wa jal kathiran. Kathiran. Qala rahimahullahu ta'ala, qala wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hadith est حديث أبي موسى الأشعري rapporté par Bukhari. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Et celui-là, il est rapporté par Muslim. Dans l'une, il dit celui qui n'évoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui évoque est semblable à celui qui est mort et celui qui est vivant. Et dans l'autre, il dit la maison dans laquelle le rappel d'Allah azza wa jal est observé, et la maison dans laquelle le rappel n'est pas observé est semblable à la maison qui vit et celle qui est morte. Certains, ils ont évoqué que al-bayt, dans la deuxième version, مثل البيت الذي يذكر الله, ils ont dit c'est le qalb. مثل البيت est قلب المؤمن. Ils ont dit قلب المؤمن, c'est son bayt, c'est sa maison. قلب المؤمن هو بيته. نعم. لأن قالوا البيت, c'est un objet. Jamadat, il n'a pas de tu'ur, il n'a pas de ressenti, il n'a pas d'émotion. Certains ont évoqué que al-bayt sahuna, c'est le qalb, le cœur du mu'min. Wallahu a'lam. La kadalika, ça nous montre énormément le mérite. C'est comme si jamais c'était une personne qui profitait, l'autre qui ne profite pas. Celui qui est mort, il ne profite plus. Excepté si jamais il a laissé des sadaqas qui sont diaries. Lakin, il ne profite plus ses œuvres. Inqata'a kama fil hadith. Inqata'a amaluhu. Ses œuvres sont interrompues. Tandis que celui qui fait le dhikr, il profite, il y a une tafia. Donc ce qui vaut aussi par le hadith, c'est celui qui évoque Allah et le mentionne énormément et s'en bat, celui qui profite énormément. Et celui qui ne fait pas cela, eh ben, al-hasab, selon sa dévotion dans le dhikr, il aura la manfa'a, il aura le profit. On va finir par ce hadith-là. Yafon, si j'ai pris un peu de votre temps. Qala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala wa amurkum an tathkuru Allah. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم قال فكذلك وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. هذا حديث عظيم جدا. Et c'est pour ça qu'on voit la plupart de ceux qui écrivent dans l'Azkar, ils nomment leur livret comme étant citadelle par rapport à ce hadith là. Parce que le rappel, c'est une citadelle pour Mu'min. Comme il est évoqué dans le hadith, c'est une forteresse par laquelle Shaitan, il ne peut pas, c'est une forteresse imprenable. Shaitan, il ne peut rien faire contre lui. Il nous dit, dans ce hadith-là, le prophète, alayhi salatu wasalam, je vous ordonne de mentionner Allah. Et mentionner Allah, comme on a pu voir, c'est wajib. La buddhamin. La buddhamin hu. Dans le hadith dans lequel Nabi Sallam a dit, man lam yas'alin la yaghdab. Celui qui ne demande pas Allah, Allah, yani, se rend en colère. Donc on se doit d'invoquer Allah et Azza wa Jal. C'est ça, c'est wajib. Hada wajibun la budda min. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha dhikran kathiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Donc il nous a ordonné le dhikr. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru Allaha. Et évoquer, ça c'est un ordre d'Allah et Azza wa Jal. Mentionner Allah et Azza wa Jal, c'est wajib. Et ça passe par le fait de la salah. Lorsqu'on fait le takbir, Allahu Akbar, khalas, ça c'est compté comme un dhikr. Donc on le fait, le dhikr. Lakin, il faut qu'on le fasse énormément. Pas un peu, lakin énormément. Matin, soir, lorsqu'on rentre, lorsqu'on sort, lorsqu'on mange, lorsqu'on est rassasié, lorsqu'on... il akhri. C'est pour ça qu'on étudie cela, afin qu'on fasse partie, inshallah, tabaraka wa ta'ala, min al-dhakirin Allah kathiran. Wa al-dhakirat. On demande à Allah, azzawajal, qui nous place parmi ceux qui multiplient le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le but. Wa sallallahu azzawajal, la tawfiq lana wa lakum. Qu'Allah nous donne la réussite, à nous et à vous. Il nous dit, le prophète, alayhi wa sallam, je vous ordonne de mentionner Allah. Car celui qui fait cela est semblable à un homme dont l'ennemi suit la trace rapidement. Il a ses trousses pour en finir avec lui. Jusqu'à ce que, ça nous montre que cet ennemi-là, ou plutôt toi, tu es une menace pour lui. Il te considère comme étant un ennemi. Donc tu es comme une menace pour lui. C'est-à-dire que tu as un profit. Et il veut en finir avec toi, il veut que tu te rappelles plus d'Allah. Il veut te faire dériver, te faire dévier du rappel d'Allah. Et c'est Shaitan. Qala, jusqu'à ce que cette personne-là, al-Dhakir, jusqu'à ce qu'il arrive à une forteresse imprenable pour se mettre à l'abri d'Allah, à l'abri de Shaitan. Qala, de la même façon, le serviteur ne se met à l'abri du diable qu'avec le rappel d'Allah. Et ça rentre dans la ayah, Allah Azza wa Jalla nous évoque cela, parce que celui qui mentionne Allah, Allah est avec lui, comme on a pu le voir. Wa ana ma'ahu idha dhakarani. Et si Allah Azza wa Jalla est avec toi, et yansarukum Allah, fala ghalib lakum. Si Allah Azza wa Jalla est avec toi, qui peut te combattre et qui peut prendre le dessus sur toi? Et yansarukum Allah, fala ghalib lakum. Si Allah vous sauve, vous donne le secours, vous porte secours, fala ghalib lakum. Personne ne peut triompher sur vous. Qala wa iyakhdhulkum faman dhal ladhi yansarukum min ba'di. Lakin, si jamais il vous laisse, au fait, parce que vous l'avez laissé, comme il dit subhanahu wa ta'ala, nasi Allah fa nasiyahum. Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés, les a abandonnés. Fahada faqala faman dhal ladhi yansuruhum min ba'di. Qui pourra lui porter secours? Fait notre secours, il est à travers le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Si jamais on mentionne Allah Azza wa Jalla énormément et qu'on est obéissant, Allah subhanahu wa ta'ala va nous secourir. Et Shaitan ne pourra rien faire contre nous. Forteresse imprenable, comme il a dit Nabi Sam. Qala hisnu hasin. Citadelle imprenable. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Un mal inverse, l'insan, il se met à découvert. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala. Wa man yahshu an dhikr rahman, nuqayyid lahu shaytana, fa huwa lahu qarin. Et celui qui s'écarte volontairement, qui ne désire plus, parce que là, lorsqu'il dit yahshu, c'est quelqu'un qui ne désire plus le rappel. Ou bien celui qui est désobéissant énormément. Comme on a pu voir, c'est l'obéissance. Allah Azzajal va lui associer un shaitan qui sera inséparable. فهو له قرين ومن يقون الشيطان له قرين فساء قرين كما قال سبحانه وتعالى celui dont Shaitan est son قرين et son ami inséparable et son intime inséparable فساء قرين c'est une très mauvaise compagnie. Donc ça c'est les hadiths qu'évoquait rahimahullah ta'ala afin de nous exhorter à mentionner Allah Azza wa Jal énormément. Car à travers cela, il y a beaucoup de bienfaits. Parmi cela, la ma'iyya qu'Allah est avec toi. Si Allah est avec toi, tu es dans une forteresse. Shaitan ne peut rien faire contre eux, contre toi. Et Allah Azza wa Jal te mentionne, et ça c'est le plus grand des bienfaits. Et qu'il y ait un profit dans le dhikr qui est dans nos cœurs et dans nos intérieurs aussi profitable que la prière qui interdit le fahsha wal munkar. Il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien. Celui qui s'en écarte, كما قال سبحانه وتعالى إلا من سفيها نفسه. C'est celui qui est idiot, celui qui ne connaît pas sa maslaha, son avantage. Donc on demande à Allah Azza wa Jal qui nous donne la patience et tawfiq afin de finir ce livre-là et surtout il nous donne la patience pour pouvoir appliquer. C'est ça le plus important. Masha Allah Azza wa Jal أن يكتبنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. Qu'Allah Azza wa Jal nous place parmi ceux qui évoquent et salent. Qui évoque Allah Azza wa Jal énormément et qui, lorsqu'ils entendent une chose, ils la mettent en pratique. Inch'Allah, c'est nous aussi. Fi darsin ati, Inch'Allah, tabarakatuh. Dans le prochain cours, on poursuivra la suite. Allah Azza wa Jal yanfa'ana wa yakum bima sami'ana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallah, bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.